إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن يوم الجمعة ملتقى أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمساجد الكبار فهو يوم عبادة وطاعة وله فضائل كثيرة على سائر الأيام فمنها أنه خير الأيام فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم ومنها أنه يتضمن صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين وهذا أمر مشاهد فإنه يكثر المصلون في الجمعة ما لا يكون في غيرها ومن فضائله أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وأقرب الأقوال في هذه الساعة أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة أو أنها بعد العصر إلى غروب الشمس ومن عظيم فضائله أن من بكر إلى الجمعة ماشيا فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ وكان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الخمسة وصححه الألباني ومنها أن الوفاة فيه من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه الترمذي وحسنه الألباني ومنها فضيلة صلاة الفجر في جماعة في يومها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الصلوات صلاة الصبح في يوم الجمعة، صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن ليوم الجمعة أحكاماً وآداباً ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم ويغتنمها. فمن تلك الأحكام والآداب: أولاً، يستحب أن يقرأ الإمام في صلاة فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يقتصر على بعضهما كما يفعل بعض الأئمة. ثانيا، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. ثالثا، الاغتسال قبل الذهاب للصلاة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ. متفق عليه. رابعا، التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطى رقاب الناس، ولم يلغو عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما. رواه أبو داود وحسنه الألباني. خامسا، التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذه سنة كادت تموت، فرحم الله من أحياها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم. وينبغي للمسلم أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حتى يخرج الإمام. سادسا، من الآداب الواجبة الإنصات للخطبة والاهتمام بما يقال فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لاغوت. متفق عليه. سابعا، يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي وحسنه الألباني. ثامنا، أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات بسلامين أو بسلامين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم وأحيانا يصلي السنة ركعتين. تاسعا إذا دخل المسجد فيصلي ركعتين حتى لو كان الإمام يخطب لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما يعني يسرع فيهما رواه مسلم. فاتقوا الله واحذروا المعاصي وخاصة في يوم الجمعة فإن ذلك خلاف تعظيم هذا اليوم. فمن الأخطاء العظيمة في يوم الجمعة ترك بعض الناس لصلاة الجمعة أو التهاون بها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. ومن الأخطاء السهر ليلة الجمعة إلى ساعات متأخرة مما يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر، فيكون الإنسان بادئا يوم الجمعة بكبيرة من الكبائر وهي النوم عن صلاة الفجر. ومن الأخطاء التهاون في حضور خطبة الجمعة، فيأتي بعضهم أثناء الخطبة، بل يأتي بعضهم بعد انقضائها. ومن تقصير بعض الناس في يوم الجمعة ترك الغسل والتطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. ومن المحرمات يوم الجمعة البيع والشراء بعد آذان الجمعة الثاني. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن الأمور المحزنة ما اعتاده بعض المسلمين من حلق لحاهم في كل جمعة ظنا منهم أن ذلك من كمال النظافة، وما عرفوا أنهم خالفوا شرعهم وعصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا عن اللحى وقصوا الشوارب. ومن الأخطاء جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد وترك الصفوف المتقدمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. ومن الأخطاء تخطي الرقاب والتفريق بين اثنين وإيذاء الجالسين أو الجالسين والتضييق عليهم. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن الأخطاء الشنيعة المرور بين يدي المصلين لإرادة سرعة الخروج بعد الصلاة، وهذا غلط واضح ظاهر. فعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، serviteurs d'Allah، préservez-vous d'Allah. Et sachez que le jour du vendredi, Yawm al-Jumu'ah, c'est le jour de la rencontre des fidèles de l'islam. Ils se réunissent chaque semaine dans les grandes mosquées pour établir une grande adoration et une obéissance à Allah Azza wa Jal. Et le jour du Jumu'ah, il a de grands mérites et il est meilleur que tous les autres jours de la semaine. Il a été rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu par l'imam Muslim que le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est le jour du Jumu'ah. Et c'est le jour dans lequel Allah a créé Adam. Et c'est le jour également dans lequel il est rentré au paradis. Et c'est le jour dans lequel il en est sorti. Et l'heure du jugement ne viendra que un jour de Jumu'ah. Parmi les mérites du jour du Jumu'ah, il y a la salat, salatul Jumu'ah, qui fait partie des obligations les plus claires de l'islam et les rassemblements les plus grands parmi les rassemblements des musulmans. Et c'est une chose qu'on constate puisque le jour du vendredi, il y a toujours plus de gens qui se réunissent pour faire la salat en groupe que dans les autres prières de la semaine. Parmi les mérites de la prière du vendredi, le Jumu'ah, il y a une heure particulière dans ce jour dans laquelle, si quelqu'un invoque Allah Azza wa Jal pour lui demander quoi que ce soit, Allah Azza wa Jal lui donne ce qu'il a donné. Et c'est un moment, un court moment pendant la journée. Et certains parmi les ulama ont mentionné que c'était à partir du moment où l'imam s'assoit sur le minbar jusqu'à ce qu'on termine la salat. Et aussi, d'autres ont mentionné que c'est après la prière de Asr jusqu'au coucher du soleil. Donc, il est bien de faire beaucoup d'invocations pendant ces moments-là, pendant la journée, pour essayer de faire en sorte que notre invocation corresponde justement à cette période particulière dans laquelle Allah Azza wa Jal exauce les invocations. Parmi les mérites du Jumu'ah, il y a le fait que la personne qui vient tôt à la mosquée en marchant, il aura la récompense d'une année d'adoration pour chaque pas qu'il a fait, que ce soit des jeûnes ou des prières. Et ça, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se lave, il fait le ghusl le jour du Jumu'ah et qui vient tôt, et qui marche, et qui ne monte pas, hein, il vient à la mosquée en marchant si la mosquée est proche, et qu'il se rapproche de l'imam, c'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans la mosquée, il vient en avant pour être près de l'imam, et qu'il écoute, et qu'il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit pendant sa prière, il aura la récompense pour chaque pas qu'il a fait, d'avoir fait des œuvres d'une année, et la récompense d'avoir jeûné une année et d'avoir prié une année. Et c'est rapporté par Al-Khamsa, c'est-à-dire les cinq sunan, et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani. Également, le fait de mourir le jour du vendredi, c'est un des signes d'une bonne fin pour une personne, puisque la personne qui meurt un vendredi ou pendant la nuit d'un vendredi, du Jumu'ah, il sera épargné de l'épreuve de la tombe. Il sera épargné de l'épreuve de la tombe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Également, il y a un mérite particulier pour le fait de faire la prière de Fajr en groupe le jour de Jumu'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement à ce sujet que parmi les meilleures prières qu'on peut faire, c'est la prière de Subh, le matin, à l'aube. On fait la prière en jama'a, la prière de Fajr, le jour du vendredi en jama'a, c'est la meilleure prière qu'on peut faire. Et il y a des règles particulières à respecter pendant le jour du Jumu'ah et la prière du Jumu'ah. Et parmi ces règles, premièrement, il est recommandé que lorsque l'imam fait la prière de Fajr le matin et le vendredi, c'est recommandé de réciter la sourate al-Sajda et sourate al-Insan au complet. Bien entendu, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de le faire puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cela. Deuxième règle, le fait de mentionner beaucoup le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mentionner également la paix et la bénédiction sur lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du Jumu'ah, alors faites beaucoup de prières sur moi en disant sallallahu alayhi wa sallam ou bien Allahumma salli ala Muhammad. Beaucoup de fois pendant la journée du Jumu'ah, il dit parce que vos invocations me seront présentées ce jour-là, c'est-à-dire les doigts qu'on fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salutations qu'on lui envoie. Aussi, parmi les règles du Jumu'ah, le fait de faire le rusul avant de partir à la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet que de faire le rusul, de faire le bain complet le jour du Jumu'ah est une obligation pour toute personne qui a atteint la puberté. Quatrièmement, il est recommandé également le vendredi de mettre un bon parfum et également de se brosser les dents comme il faut avec le siwak ou bien avec n'importe quel autre instrument et également de porter ses plus beaux vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé ça. Il a dit, le jour du Jumu'ah, celui qui se lave, qui met son bon parfum, et qui met ses beaux vêtements, et quand il rentre dans la mosquée, il ne va pas, briser le cou des gens avec ses jambes quand il essaie de les passer à travers les rangs, et qu'il ne se laisse pas distraire pendant la khutbah. Eh bien, ce sera une expiation pour les péchés qu'il a fait pendant la semaine. Également, parmi les règles du Jumu'ah, une chose importante, c'est de venir tôt pour la salade du Jumu'ah. Mais c'est une sunna que, malheureusement, beaucoup de musulmans négligent, et en particulier dans les pays non musulmans. Parce que dans les pays musulmans, beaucoup de gens ont gardé cette habitude-là, même si c'est pas la majorité. Mais un grand nombre de personnes, le jour du Jumu'ah, ils viennent très tôt à la mosquée et ils attendent la khutbah et ils récitent le Coran et ils font des rak'at et ils font des adhkar en attendant l'imam. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate maintenant, c'est que les gens, ils arrivent très en retard et parfois ils arrivent même après la khutbah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que le jour du Jumu'ah, il y a des anges à la porte, à chaque porte de la mosquée, qui écrivent les gens qui rentrent, les uns après les autres. Et ils écrivent leur nom en ordre d'arrivée. Et lorsque l'imam arrive et qu'il s'assoit sur le minbar, il ferme leurs feuilles ou leurs livres. C'est-à-dire, ils cessent d'écrire. Les anges cessent d'écrire à partir de ce moment-là. Et ils écoutent le rappel. Et puis, la personne qui est venue très tôt, pour la Jumu'ah, c'est comme si il avait sacrifié une vache qui est enceinte. Et le deuxième, s'il vient dans une heure un peu plus tard, c'est comme si il avait sacrifié une vache. Et s'il vient un peu plus tard encore, c'est comme s'il a sacrifié un mouton. Et s'il vient un peu plus tard encore, c'est comme s'il avait sacrifié un poulet. Et s'il vient plus tard, eh bien c'est un œuf. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Ça veut dire que plus tu retardes, plus ta récompense diminue. Et donc, il faut pas se laisser distraire. Et lorsque tu arrives à la mosquée, si tu arrives tôt, tu fais des rak'at, ou tu fais yani le dhikr, ou tu récites le Coran jusqu'à ce que l'imam arrive. Parmi les règles également, il y a le fait de rester, garder le silence et d'écouter ce que dit l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à ton compagnon, c'est-à-dire la personne qui est assise à côté de toi, tu lui dis, tais-toi, hein, ou écoute, c'est comme si tu avais, yani, été distrait. Donc, comme tu avais parlé ce jour-là. Donc, tu dois pas même dire à ton compagnon ou à la personne à côté de toi de ne pas parler. Tu dois rien lui dire. Et tu dois pas toi-même parler. Des fois, il y a des gens, j'ai remarqué, s'ils écoutent la khutba et que c'est la khutba dans une autre langue qu'ils comprennent pas, par exemple si c'est en arabe puis ils comprennent pas l'arabe, alors ils se permettent de parler avec l'ami à côté. Ils disent de toute façon je comprends pas. Même si tu comprends pas, tu dois écouter. Et que peut-être en écoutant ça va t'aider à apprendre l'arabe. Parce que l'apprentissage de l'arabe c'est un devoir pour un musulman. Et si c'est dans une autre langue, par exemple, en français, tu dis, ah, mais moi, je comprends l'arabe, j'ai pas besoin d'écouter le français, alors, ça te donne pas le droit de parler. Tu dois écouter jusqu'au bout. Et septièmement, il est recommandé de réciter Sourate Al-Kahf, ce jour-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite Sourate Al-Kahf le vendredi, Jumu'ah, eh bien, ce sera une lumière qui va éclairer. Hein, qui va l'éclairer pendant cette semaine, jusqu'à l'autre du mois. Également, parmi les règles, il est recommandé de faire, yani, 4 rak'at sunan après, hein, la prière de Jumu'ah. C'est-à-dire, 2-2. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 2 rak'at après, à la mosquée, puis 2 rak'at chez lui par la suite, plus tard. Également, parmi les règles du Jumu'ah, lorsque quelqu'un rentre dans la mosquée, alors que même si l'imam est en train de faire la khutbah, tu dois faire rak'atayn. Tu fais 2 rak'at rapides et tu t'assois. Alors, il faut faire attention pour le Jumu'ah. Il y a certaines choses aussi que les gens ils négligent. Parfois, il y a des gens qui ratent et qui manquent la prière de Jumu'ah sans excuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que des gens qui manquent la prière de Jumu'ah sans excuse, ils doivent faire attention que Allah ne scelle leur cœur et qu'ils deviennent par conséquent des gens qui sont insouciants par la suite à cause de ça. Également de pas rester tard la nuit du vendredi, c'est-à-dire regardez, la nuit avant la prière de Jumu'ah pour éviter de manquer la prière de Fajr en groupe. À la mosquée. Parce que des fois, les gens, ils restent tard la nuit du vendredi ou la soirée du vendredi, et puis ils manquent la prière de Fajr à cause de ça. Aussi, il y a des gens qui négligent le fait de se laver ou de mettre le parfum ou de mettre leurs bons vêtements. Et ils viennent à la mosquée comme si c'est un jour comme les autres. Et parmi les problèmes aussi que certaines personnes ont, ceux qui ont des commerces ou qui ont des magasins, il ne faut pas vendre rien après le adhan de Jumu'ah. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Al-Jumu'ah, « Oh, vous qui avez cru !» Lorsqu'on a fait l'appel pour la salat du Jumu'ah, alors écoutez le rappel d'Allah et délaissez le commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et parmi les choses également que certaines personnes font qui est incorrect, c'est que certaines personnes, ils se rasent le vendredi. Ils rasent leur barbe. En pensant que c'est quelque chose qui est plus propre. Et ils contredisent en faisant ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de laisser pousser la barbe et de raccourcir la moustache. Donc aujourd'hui, les musulmans, beaucoup de musulmans, ils font le contraire. Ils rasent leur barbe et ils se laissent pousser la moustache. Comme s'ils veulent expressément contredire l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les erreurs également, des gens qui viennent à la mosquée le Jumu'ah, ils restent en arrière. Ils font exprès pour rester derrière. Hein? Et ils laissent les rangs en avant vides. Et il y a des gens qui font exprès même pour rester derrière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs rangs pour les hommes, c'est les premiers. Et les meilleurs rangs pour les femmes, c'est les derniers. Également, parmi les choses qu'il faut éviter, comme on a dit, là maintenant c'est pas un problème parce qu'il y a de l'espace entre nous à cause des distanciations, mais en temps normal, lorsque les gens sont collés les uns avec les autres, faut pas passer par-dessus les épaules des gens, hein, avec nos jambes, et puis on risque de leur faire mal ou de les déranger. Donc si tu veux avoir une place et tu veux être en avant, viens plus tôt. Hein, ne dérange pas les gens. Et un homme était rentré dans la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la khutbah était commencée et les gens étaient en avant. Lui, il voulait avancer et venir plus près. Et il commençait à pousser les gens et à marcher par-dessus leurs épaules. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, assis-toi car tu déranges les gens. Et aussi après la prière, lorsque tu pars, s'il y a des gens qui font des nawafil, ne les coupe pas, ne passe pas devant eux pendant qu'ils sont en train de faire la salat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné justement la menace de la personne qui dérange une personne alors qu'elle prie et qui passe devant elle. Et il a dit, si la personne savait la gravité du péché qu'il y a dans le fait de marcher devant quelqu'un alors qu'il est en train de faire la salat, il aurait préféré attendre 40 plutôt que de marcher devant lui. Et il n'a pas dit 40 jours, 40 nuits, ou 40 années, ou 40 mois. Donc c'est juste pour dire que, yani, il ne faut pas passer devant quelqu'un, puisque s'il est en train de faire la salat, tu dois respecter, hein, sa salat et ne pas passer devant lui. Donc attends, patiente un peu jusqu'à ce qu'il termine, et après ça tu pourras passer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوم إلى صلاتكم